Le rendez-vous de souvenirs du général Kim Jong-il s'est déroulé respectivement en Allemagne, au Bangladesh, en Thaïlande, au Bénin et en Afrique du Sud. Y ont pris part les personnalités de toutes les couches et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont exalté les exploits du général qui, sous la bannière de l'indépendance, du Songun et du socialisme, a conduit à la victoire l'édification socialiste, la cause de la réunification de la patrie et de l'émancipation de l'humanité, et continué jusqu'à la fin de sa vie son inspection pour le bonheur du peuple. Le rendez-vous de souvenirs tenu en Afrique du Sud a adopté un message à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.